De ma fenêtre je vois la Saône sombre qui se paume. Elle dessine des arbres ou les griffes d'un fantôme. Les couleurs de lumière de la nuit t'illuminent et caressent enfin ces courbes palatines. Quelques maisons normandes teintes de couleurs latines en un mariage grinçant sous les feuilles roquines. Ton visage en amande qui se love dans la vitre attire comme un aimant mes folles humeurs de pitre. Tout est beau, même la pluie qui claquette sans bruit sur le fleuve de ma nuit. Quand tu es dans mon lit, le vacarme des quais et doux quand tu es prêt, il ronronne comme un chat. Quand ta main est sur moi, quand ta main est sur moi. De ma chambre je vois la cheminée en brique d'une usine effacée, coup de torchon sucré. Passer sur nos vitres techniques, seuls nos corps enlacés font mon souffle coupé. Les quais envoiturés comme des dragons d'acier vrombissent, carillonnent et crachent leur fumée. Mais dès le soir venu, sous le volute doré, gambade tes lucioles et ton cou parfumé. Tout est beau, même la pluie qui claquette sans bruit sur le fleuve de ma nuit. Quand tu es dans mon lit, le vacarme des quais et doux quand tu es prêt, il ronronne comme un chat. Quand ta main est sur moi, quand ta main est sur moi. Pluie et nous deux dans le lit.